Et voilà. Numéro 157, la certitude, un don de l'esprit existant, ça va dans le sens de l'autre, hein, de l'autre conférence d'avant. Écoutez, c'est assez facile de comprendre que depuis que je parle de l'esprit comme étant le mode d'emploi de toutes les solutions, que si on regarde c'est quoi la plus grande richesse d'un être humain dans la vie, c'est la certitude. Qu'à partir de la certitude, tu peux tout faire. Qu'à partir du doute, tu peux rien faire. Si on parle du doute comme étant le mal luciférien, on pourrait dire que le baume, la recette miracle pour guérir du mal luciférien, c'est la certitude qui, finalement, est l'intervention de l'esprit dans vos rapports humains. Ça va jusqu'où, la certitude? Ça va jusqu'à la corporalité. T'as la certitude de guérir. Moi, j'ai déjà travaillé avec un gars qui s'appelait Yvon Yva. Je sais pas si ça dit quelque chose à certaines personnes. Mais ce gars-là était capable de s'arrêter le cœur. Il a même été capable de se faire faire une opération à l'appendicite en s'arrêtant mentalement de souffrir. Et puis là, quand ils ont touché à un petit nerf qui n'était pas connu de la science puis qui n'était pas connu de lui-même, il a dit « Ouh, ça fait mal, là, faites attention ». Là, ils ont arrêté, puis ils ont vu qu'il y avait une connexion. Fait qu'il a participé à des découvertes scientifiques sur le corps, juste par le fait qu'il était capable de se faire faire des affaires à froid, comme exemple s'arrêter de cœur. Il y a une limite de temps avant que tu meurs. Puis lui, il était aux limites de ça. Fait que jusqu'où tu peux vouloir, c'est jusqu'où tu es sûr. Puis je demandais à Yvon souvent, il était bélier sans en vierge. Yvon, je dis, jusqu'où tu sais que tu peux? Il dit, tant que je suis sûr de ce que je sens, je suis sûr de le contrôler. Ça revenait à ça. Donc, il n'est pas enlevé à l'homme le sentiment de contrôle, mais vous avez autant de contrôle que vous êtes sûr. Donc, si vous êtes sûr, votre ego a accès à une perception de contrôle. Mais si vous avez du doute, ce qui prend la main, c'est les entités astrales ou votre source. Vous me suivez? Donc, un facteur extérieur qui peut remplacer votre certitude par le fait d'une croyance. La croyance étant une influence astrale. Et puis, il y a des gens qui vont dire, « Moi, j'ai tellement cru, j'ai tellement eu de foi, j'ai tellement eu d'espérance que c'est fini par arriver. » Ça, malheureusement, c'est que si t'es pas sûr puis que tu crois, c'est une entité astrale qui se manifeste et qui crée des résultats qui te rendent dépendant de la perception de croyance à cause du résultat. Vous me suivez? Mais que si vous avez une certitude, donc ça vient de votre source, vous n'aurez pas de sensation de croyance parce que vous aurez la certitude, donc l'état vibratoire qui va avec le sentiment de contrôle. Moi, je vous parle, je n'ai pas le sentiment de croire à ce que je parle. Je vis avec la certitude de le dire. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ça dépend du champ d'application dans lequel on est. Si tu me dirais, es-tu sûr de ce que tu dis? Je suis sûr de le parler, mais je ne suis pas sûr de ce que ça fait. Mais je suis sûr que ça vous fait de l'effet. Mais je ne suis pas sûr de ce que ça fait. Mais je suis sûr de ce que je dis. Me suivez-vous un petit peu? Je suis sûr de conduire. Es-tu sûr d'où tu t'en vas? Dans la mesure où, dans ma certitude de conduire, j'ai une direction et un endroit, je suis aussi sûr que je m'en vais là que je suis sûr de conduire. Mais la certitude de me rendre, ça ne dépend pas juste des facteurs personnels. Si j'ai, exemple, de la brume, si j'ai de la pluie, si j'ai, tu sais, il annonce un orage, papa, je m'en retourne chez nous, puis je me tape l'orage, t'es-tu sûr de te rendre? Je suis sûr de conduire, mais de me rendre moins. Parce que là, je t'en perds de contrôle potentiel. Mais tant que je suis sûr de conduire, puis je reste dans ma certitude de conduire, ma certitude de conduire peut me donner une sorte d'intelligence de m'arrêter si c'est trop ou de continuer si je suis capable, mais exemple, plutôt que de rouler à 90, moi rouler à 70, moi rouler à 40, je vais avoir la certitude de mon contrôle de conduite, mais je n'aurai pas nécessairement la certitude de me rendre. Vous me suivez? Donc, il y a des variantes dans votre certitude, mais dans tous les mouvements de certitude, il faut qu'il y ait un mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait une idée. Parce qu'une idée, ça ne vous donne pas une destination, ça. Une idée, ça peut vous donner une image. Là, vous tombez dans la croyance. Avec une idée, vous pouvez croire. Avec une action, vous êtes dans une action, donc vous pouvez avoir une certitude parce que vous êtes dans l'action. OK? Donc, si j'ai la certitude de parler que je parle, et que dans le mode de parler que je parle, je suis dans le vide, puis que dans le vide, je ne perds pas ma cohérence dans la parole, je sais que ça va avoir un impact. Mais de dire, je sais que ça a tel impact, ça commence à être plus la direction. Fait que moi, je considère que vous êtes de la brume quand vous ne comprenez pas, et que ça m'empêche d'être sûr de l'impact. Mais ça ne m'enlève pas ma certitude de parler, et de parler dans le vide, tant et aussi longtemps que je suis cohérent dans le vide. Vous me suivez jusque-là? Je fais comprendre que de la certitude, ça a une gradation. Ça a comme un pouvoir d'être et de faire fonction de la mise en vibration qui fait quelque chose. C'est bien beau l'action, mais si tu fais des actions, tu sais, je peux prendre mon agenda, le garocher dans les airs, je suis en action, mais ça fait quoi? Mais vous pouvez faire des actions qui n'ont pas nécessairement de cohérence. Comme je peux parler, je suis dans le vide, mais ça fait quoi? C'est pas cohérent. Donc, si c'est pas cohérent, ça ne s'enregistre pas comme une étape ou un état ou même ce qu'on pourrait appeler un impact. C'est le mot impact que je cherchais. Fait que si la dynamique de votre certitude n'est pas placée dans un test qui est l'action, donc, il peut être une résistance ou une limitation. Vous avez une petite certitude ou une grande certitude. Plus le test est grand, si moi je conduis dans la brume puis je m'en sors plusieurs fois, j'ai plus de certitude dans ma conduite parce que j'ai été testé souvent pour savoir si je contenais bien mon mouvement qui est de conduire. Plus je conduis bien, plus je passe des tests. Plus vous avez de la certitude, plus vous êtes testé. Quelqu'un va me dire, moi je parle sur le contact. OK, à quel niveau? Tu es sur le contact à quel niveau? Tu articules bien, tu es philosophe de ton contact, tu as une spontanéité à bien parler, mais est-ce que tu as une spontanéité à agir avec autant d'intensité que ta parole? J'ai vu bien des gens, moi, dans la conscience, qui parlaient bien, mais qui n'étaient pas capables d'agir dans la même proportion que leur parole. Moi, j'ai parlé du couple longtemps, mais j'en ai vécu une crise de beurrée dans le couple, jusqu'à des aspects très occultes du couple. Quand j'ai vécu des affaires concrètes dans le couple, j'ai pris ça comme de l'expérience. Mais il arrive un stage que dans ton expérience, pour l'intégrer, il faut que tu te l'expliques. Puis il ne faut pas que tu te l'expliques avec un sentiment de haine ou de quoi que ce soit. Là. L'esprit m'a fait éliminer la guerre, mais c'est eux autres qui s'occupent de la guerre. Vous me suivez? Ouais. C'est ça, Chocanto. Tu n'as pas besoin de vouloir faire du mal. Le mal qu'à se faire se fait. C'est simple de même. Fait que l'évolution d'une certitude, ça va jusqu'à des aspects très, très, très occultes. Tu sais, ça n'a pas d'allure, telle chose. C'est une certitude, ça. Ça n'a pas d'allure, telle chose. Fait que c'est des huissiers, c'est plein. Ils cherchent les deux bords. C'est bien intéressant. Votre évolution de vie, c'est une évolution qui est pensée. Mais votre évolution de psychique, c'est ce qui se fait en dehors de la pensée. Donc, c'est ce qui se fait en dehors du raisonnable, en dehors de ce qui est vérifiable, en dehors de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, de la certitude, c'est du cash. C'est de la matière. N'oubliez pas ça. Tu veux être riche dans la vie, il te faut de la certitude. La richesse est basée sur la certitude. J'ai fait un portefeuille fictif pour avoir de la certitude. La certitude, c'est 30 ans, 29 ans de travail. Ça, là, c'est 29 ans de travail. Je ne m'attends pas à l'expliquer et à le donner aux gens sans qu'ils doutent. Mais je peux vous dire une chose. Si vous vous rendez au même niveau de certitude que moi, qui a pris 29 ans pour le faire, si vous réussissez à faire votre certitude en dedans d'un an, vous avez sauvé 28 ans de recherche. Et si vous arrivez à cette certitude-là, moi, avec ça, là, tout ce que je me pose comme question, c'est, moi, tu sais, être capable de trouver ce qu'il faut comme énergie pour refaire ça dans le plancher des vaches. Je pars avec une certitude, mais je n'ai pas nécessairement l'actualisation de la certitude, mais je sais qu'avec ça, je peux le rendre à terme. De la certitude, peu importe ce que vous avez, vous tombez malade demain matin et vous avez la certitude de vous guérir, vous allez guérir. Vous avez la certitude de travailler, ça c'est pour toi ça, vous avez la certitude de travailler, vous allez travailler. Vous avez la certitude d'haïr votre boss, vous allez vous faire coller sa porte régulièrement parce que c'est incompatible, haïr l'autorité et être engagé dans vos pensants. Donc, votre certitude négative, votre certitude positive se réalise tout le temps. N'oubliez jamais. Vous êtes sûr d'haïr le patron, vous êtes sûr de perdre votre emploi. OK? Ça va ensemble, là. Tu ne peux pas être sûr de quelque chose, sûr profond, viscéralement, et ne pas avoir une conséquence. Est-ce que vous êtes sûr que vos pensées se réalisent? Vous pouvez miser là-dessus. Vos pensées sont accotées par une vibration qui vous donne une certitude. Ça va effectivement se réaliser. Le moindre doute inverse le mouvement. Fait que l'évolution d'un mouvement laissé entre les mains des forces, qui sont la certitude, égoïquement, vous pouvez le capter, mais ne vous donnez pas le fait d'être propriétaire de vos idées comme vous autres étant la source de qu'est-ce qui va arriver, et ça va être plus sûr encore. Plutôt que d'être seul, vous allez avoir la même armée que moi j'ai dans le cul pour que les choses se fassent. Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est important ce point-là. Là. Quand vous êtes sûr personnellement, vous êtes seul. Quand vous êtes sûr absolument, vous avez les forces qui travaillent avec vous. Donc, vous avez votre source connectée à d'autres sources qui aident à la réalisation de la situation. Ce qui est luciférien, c'est de le penser en jeu. Puis ce qui est de la lumière, c'est de le voir comme étant un absolu. Si tu as absolument la certitude de ça, tes enfants vont avoir un héritage d'au-dessus d'un million. Mais si tu doutes parce que tu dis « j'ai pas les moyens tout de suite », tes enfants vont juste avoir la mémoire de maman. Ça se comprend-tu ce que je dis? Le doute, ça massacre la certitude. Et un doute, ne serait-ce que de ne pas avoir ton autobus qui arrive à temps, massacre une certitude d'être en santé. En d'autres termes, du doute, c'est une matière, et de la certitude, c'est une autre sorte de matière. La rouille, on est d'accord que ça mine le fer, que du fer, aussi dur que ça puisse être, si la rouille rentre dedans, ça va affaiblir la barre de fer. Bon, bien, douter que tu vas manger le matin, c'est faire rouiller ta barre de fer, qui est ta volonté de survivre. On pourrait dire qu'une volonté de survivre, c'est une barre de fer. Puis que le doute de vivre, c'est de la rouille qui s'attaque au fer. Peu importe d'où vient votre doute, il va attaquer quelque chose d'essentiel de votre vie. Moi, à un moment donné, je perdais des chats. Je dis, tabarnak, je perds tous mes chats que j'aime. Puis des fois, si mon Dieu, inquiète-toi pas, on va t'en retourner un, pareil, dans un autre corps flambant neuf. Moi, à cette heure, quand un chat meurt, je me dis, c'est pas grave, il va se réincarner. En voulant dire, son esprit va revenir. J'ai perdu mon chat, mon dernier abyssin s'est fait bouffer par un renard à Saint-Colomban. C'est ça, à Saint-Colomban. Mais Chris, j'ai une femelle qui m'a redonné un petit chat, un petit mâle, que j'ai appelé Choune. Pareil, pareil. J'ai dit, calme, ouais, ça n'a pas de style d'arrivée, comment c'est arrangé avec le gars des vues. C'est quand tu es sûr, donc quand tu n'as pas de doute que même la mort peut t'enlever quelque chose. Ça t'est réincarné à profusion. Tu as un perroquet, tu en as un autre, puis celui que tu as, il est plus fin que le premier. Puis si tu perdrais celui-là, il t'en redonnerait un autre. En d'autres termes, tu as un pouvoir d'achat, d'acheter du perroquet jusqu'à la fin de tes jours. Tu comprends ce que je veux dire? Si vous ne voyez pas d'arrêt à la vie, elle, continue. Mais si vous installez dans votre tête une incompréhension d'un événement, ou une impression d'avoir amené le show, cet événement, vous ne comprenez pas la vie. Et ça, ça vous fait faire des arrêts dans la vie. Tu sais, tu dis, Chris, j'ai eu un couple, j'en ai plus. Ben oui, mais tu n'en as plus parce que tu ne vois pas que tu es capable d'en avoir un. Ou tu ne vois pas que ta relation a... Moi, quand j'ai vu que mon couple sautait, je m'en suis trouvé un autre. Puis Chris a pris trois mois, à peu près. Monique est partie au mois de mai, puis j'ai retrouvé Nicole au mois de juillet. Puis j'ai dit, waouh, Nicole est pas mal cute, tu sais. Puis l'autre était pas mal cute. Puis... Puis Nicole était plus adaptée à aller élever du Joe que Monique, puis tout le kit. Fait que là, j'ai vu que si j'arrêtais de penser à une personne puis que je me concentrais sur l'affaire d'être en couple, puis que le couple, c'est une alliance pour un résultat donné puis un développement donné. Oh! Elle rencontre un procureur de la couronne, puis son frère, Monique, va la chercher dans un endroit où elle était pratiquement en prison, puis là, elle reste dans un bâtiment où apparemment que c'est bien, bien criminalisé. Fait que Chris, t'as ma fille au cul, ma grande, là, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas d'hasard là-dedans. Là. S'il n'y a pas d'hasard là-dedans, ça veut dire qu'il y a un continuum. S'il y a un continuum, c'est bon d'étudier le continuum. Pourquoi que ça te colle au cul tout le temps? Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que c'est pas le fait d'arrêter un événement qui va arrêter la karma ou la dynamique du karma. C'est le fait d'être sûr que ça, ça t'affecte pas, qui va éliminer le karma. Le karma que vous avez, il est tout conditionné par le doute et la certitude. Vous avez un doute de ça, le karma continue. Vous avez une certitude de ça, le karma disparaît. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle, la famille, c'était fondamental dans sa vie. Aujourd'hui, ça l'est moins. Pourquoi? Parce que j'ai fait voir que la certitude de être était plus important que la certitude d'être en famille. Si tu n'as pas de famille, Christ, tu n'as pas créé, tu n'as pas engendré d'enfant, tu n'as pas tant, tu es peut-être pas né pour avoir une famille, tu es peut-être né pour t'occuper de ton identité, ton développement, papa. Vous me suivez? Conséquemment, c'est quoi une famille? C'est quelqu'un qui t'enveloppe pour s'occuper de participer à certains champs d'activité qui te sécurisent ou qui balancent ta vie. Et t'es en train de se le créer avec le groupe. Puis son frère... No fuck all, s'il ne se passe rien dans ce coin-là. Peut-être, tu pourrais dire, je suis né la même père, la même mère. Ouais, ça ne garantit pas que tu vas être ensemble toute ta vie. Moi, j'ai mes frères et sœurs, moi, là, ça ne coexiste pas dans ma vie. Je ne peux pas demander d'aide à mon frère, je ne peux pas demander d'aide à ma sœur. En aucun temps, même pas pour une tasse de sucre. Tu fonctionnes avec les gens avec qui tu échanges. Tu es avec la vie des gens qui échangent avec toi. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que si ces gens-là sont dans ta vie pour augmenter ta certitude, tandis que mon frère, il serait dans ma vie juste pour augmenter mon doute, il est jaloux, calice. Je ne peux rien faire avec un jaloux. Ça va toujours chercher à miner ma crédibilité. Je ne peux pas rien faire avec ça. Je le reset complètement. Ça n'a pas de valeur dans moi. Ça n'a pas de valeur dans ma vie. Ta famille, pour moi, n'a pas de valeur parce que ce n'est pas des éléments qui amplifient mon développement de certitude. Il n'augmente pas mon capital, il dégrade. Excepté ma soeur, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez des gens dans votre vie qui sont là pour vous tester, donc vous faire douter. Vous avez des gens dans votre vie qui sont là pour augmenter votre certitude. Allez vers les gens qui développent votre certitude. C'est du capital, la certitude. C'est du capital qui est plus important que votre compte de banque. Vous avez du doute, vous chiolez après le monde, tu te le quittes, vous les minez. Chris, ça servait contre vous autres, ça, là. C'est ça du choc Arthur. Arrêtez de chioler, calice. Regardez les gens, puis comprenez-les mentalement. Plutôt que de chialer après quelqu'un, moi, je sais qu'il y a des gens parmi vous autres qui se réunissent, font des petits clubs, là, deux, trois, là, puis, hey, lui, il me dit, hey, attention, là, parce que vous êtes trois, c'est beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup de certitudes sur du négatif. Ça va servir contre vous autres, ça, calice. C'est votre santé, aussi qui va se taper. C'est un manque de crédibilité personnelle, puis c'est un manque de conscience, Chris, qui va vous mener jusqu'à votre contact. Faites attention à ça. Là, tu sais. Que ce soit objectivement une lecture des choses, avec une intention profonde d'améliorer le rapport que vous avez avec la personne, là, pas de trouble. Vous avez le droit d'observer une situation, mais vous n'avez pas le droit d'interférer dans l'évolution d'une personne. Tu comprends-tu? Tout le monde est capable d'être négatif, mais tout le monde est capable d'être positif. Misez sur le positif de votre vie en termes de certitude, puis misez sur le fait que quelqu'un qui est détestable, puis c'est vrai qu'il y en a qui sont détestables, ces gens-là, ils ont des carences, ils ont des lacunes. Une petite pensée de temps en temps, « Oh, elle devrait changer ça. » Ben, elle devrait changer ça, c'est déjà positif. Fait que déjà, vous avez une volonté d'amélioration. Puis ce qui vous apparaît virtuel, parce que vous ne le dites pas à la personne directement, OK? Dites-vous bien que c'est aussi concret que si vous y avez dit en pleine face. Puis que si vous y mettez... Parce que quand vous dites à pleine face, vous n'êtes pas aussi intense que quand vous le pensez tout seul. Fait que votre pensée tout seul a bien plus d'impact sur la vie de l'autre que d'y dire en pleine face, c'est une calice de style dégueulasse de calice. Puis là, elle va se défendre, là. Tandis que quand vous y pensez, elle ne peut pas se défendre, elle ne sait pas. Vous savez? Ou il y a des fois, vous allez sentir de quoi qui se passe autour de vous, puis ça vous choque d'être choqué, puis vous ne savez pas pourquoi vous êtes choqué. Ou des fois, vous avez le goût de brailler, puis vous ne savez pas pourquoi vous braillez. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous envoie des bad vibes, ces plans. Puis là, ça vous ramasse, ça. Faites attention à ça. Ça veut dire que vous envoyez, vous, des bad vibes, puis que vous êtes réceptif aux bad vibes que les gens peuvent vous envoyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous ne savez pas encore qu'est-ce que je veux dire. Mais quand vous allez commencer à surveiller votre attitude vis-à-vis des gens, vous allez comprendre pourquoi on vous magane si vous m'en êtes au niveau des événements. Les plus chialeux, c'est les plus poqués. Ils ne sont pas poqués parce qu'ils sont pas intelligents. C'est parce qu'ils sont plus attaqués par le doute qu'il a ses plans. T'sais, quand tu reçois une commande d'un huissier, c'est parce qu'en quelque part, tu as bad vibé. Moi, j'ai bad vibé beaucoup avec Benoît, puis j'ai reçu une lettre de huissier. Puis quand j'ai décroché, lui aussi il en a reçu une. En d'autres termes, quand j'ai arrêté de lui envoyer de la bad vibes, puis j'ai dit, bon, c'est plus moi qui s'occupe du dossier. Oups, il a reçu une lettre de huissier, lui, avec. C'est ça, de la certitude. C'est du matériel. C'est tangible comme un stylo. C'est tangible comme n'importe quoi de matériel. C'est tangible. Parlez-les pour éliminer le bad vibes. Parlez-les pour avoir de l'esprit. Pas de trouble. Mais si vous le parlez et que vous êtes dans l'âme, puis vous êtes dans un processus réflexif, attendez-vous à en manger une en quelque part. Parce que ce n'est pas parce que vous ne le parlez pas. D'ailleurs, pas le parler, ça a plus d'impact que de le parler. Quand on voit des extraterrestres, ils ont des trucs qui poulent, qu'on dirait qu'ils mangent avec une paille, eux autres, tout le temps, quand on lui donne des images. Mais ils ont des grosses calices de tête. Je dis que ça vibre plus d'ici que ça vibre de là. Partez du principe que vos pensées ont beaucoup plus d'impact que vous pensez et que ça a un pouvoir action. Que si vous voulez vous sortir de la merde, arrêtez de chialer. N'arrête pas de dire à Jeannette, arrête de chialer après l'autorité. Christ, t'en auras jamais sans ça. Soit de l'autorité, je chiale pas après l'autorité. L'autorité, c'est un principe. C'est pas une personne, calice, c'est un principe. Les gens font partie d'un événement. Ils ne sont pas à l'origine de l'événement. Ils sont dans un événement. Moi, je suis un événement dans votre vie parce que je suis dans un événement de développement. Vous autres cherchez à vous développer et je fais partie de vivre un événement avec vous autres. Je ne suis pas à l'origine de l'événement. Je suis dans l'événement. Vous voyez la nuance? Puis vous autres, vous êtes dans l'événement avec moi pour faire un développement. C'est-tu trop ésotérique, ce que je vous parle? Non, pas du tout. Parce que vous aimez ça, entendre parler d'occulte, mais là, je vous en parle, l'occulte. Le culte de la vie, c'est très abstrait, mais c'est très concret. Parce que c'est abstrait parce que ça s'architecture, ses plans, mais c'est concret parce que ça descend sur le plan matériel, puis ça s'actualise. Mais tout ce qui s'actualise ici, vos jobs, vos affections, quelque chose, c'est une résultante d'une architecture, ces plans. Est-ce que l'ego peut avoir une mesure de ce qui se passe réellement? C'est juste ce qui se produit dans sa vie. Moi, je pense que si je suis capable de lire les événements, j'ai la mesure, on va dire, concrète de ce que je vibre. Parce que le vibrer, c'est pour vous autres, c'est juste penser. Vous n'avez pas compris vraiment c'est quoi une vibration. T'sais, être sûr, comment tu peux être sûr de conduire si tu ne conduis pas? Si tu conduis, bien là, tu es à mesure de ta certitude. Comment tu peux être sûr que tu fais de l'argent si tu ne vas pas travailler? Excuse-moi. T'sais, même moi, faire de la bourse fictive, c'est travailler. Je fais ça comme un travail, moi, là. Mais si je fais ça comme un travail, je développe la certitude qui colle au travail que je fais. Donc, je devrais avoir des résultats. Parce qu'à tout travail, il y a un salaire. Mais si je fais ça, puis que je réussis à régler ma finance, tu sais, je fais 1000 piastres à soir, elle me donne 1000, Nathalie me donne 1000, elle m'avance un montant pour la chose, elle me donne un autre 1000 pour travailler avec elle. C'est concret, ça, là. Pour moi, ça, ce concret-là, c'est une conséquence d'avoir fait de l'étude de la bourse, puis d'arriver à un niveau de certitude de la bourse. Comprends-tu? Vous autres, vous allez dire, « Ouais, mais tu gagnes pas tes vies avec la bourse. » Je ne gagne pas socialement ma bourse, socialement ma vie avec la bourse. Mais je peux dire que le travail que j'ai fait vibratoirement, que j'ai fait très consciencieusement, comme un gars qui travaille, j'ai eu le salaire de la bourse. Mais peut-être pas au niveau que j'ai là, mais au moins, c'était un esti de bon embryon, je peux te dire ça. Comprends-tu? Ben, je m'en sortais pas, moi, cette année. Là. C'était pas possible, là, avec mon histoire d'hôpital. Là, j'étais fait à l'os. Là. Donc, si vous êtes capable de regarder... c'est comme elle s'occupe de la peinture. Bon, la peinture, elle n'en vivra pas. C'est pas l'élément le plus dynamique de la vie, là, tu sais, peinturer, on s'entend. Et puis, par contre, si un critique d'art ou qu'elle veut se partir une sorte de galerie d'art, de phénomène, là, c'est plus dynamique. Et puis, si elle se met à le vouloir puis à avoir la certitude que c'est faisable, oui, elle peut le faire. Parce qu'elle a déjà une prédisposition à ça, puis elle a déjà vibratoirement bâti un capital autour de là. C'est du capital, une vibration. Faut regarder ça comme de l'argent que tu mets à banque. T'es Capricorne, c'est certain que tu accumules des fonds. C'est sûr, hein? Bon, bien, si t'es vibratoirement capable de t'accumuler des fonds, comme toi, tu travailles la bourse. Tu sais, tu fais peut-être pas ça au niveau que je le fais, là, mais tu travailles la bourse. Mais on peut dire que toi et ta femme, en combinaison, vous n'avez pas de trouble financier vraiment. On pourrait dire que le fait de tout être dans la mathématique, le chiffre, puis tu prends la track de prévoir le marché, comme avec l'astrologie et ces choses-là, on fait quelque chose de très similaire, très commun. Excepté que moi, je le fais pour gagner ma vie. Toi, c'est pour assurer ta retraite. Puis c'est très valable parce qu'effectivement, ça va être très dur dans le temps futur de se faire une retraite. Puis en ayant une certitude dans le stock market, Chris... tu vas t'assurer une bonne retraite. Donc, on ne travaille pas nécessairement comme le monde voudrait nous voir faire la preuve, mais on n'a pas de preuve à faire à personne. Toi comme moi, on s'en calisse, c'est comme, Eugénie Bouchard, « I don't give a shit », tu sais qu'elle a dit, tu te quittes. Nous autres aussi, on est un petit peu pareil. Tu sais, c'est ce que les autres pensent, on s'en calisse, on est capable de le faire nous-mêmes. Et puis, on est capable de vivre notre vie en ayant une bonne organisation, cliquette. Moi, j'ai une très bonne organisation. Je suis sûr que tu as une très bonne organisation. Je regarde ta femme s'occuper de ta santé. Chris, elle va te garder dans la vie longtemps. Là. Tout ça, là, c'est tout abstrait au départ. Tu sais, quand Bernard vous a matché ensemble, il a corrigé une faille dans ta structure de vie tout que tu avais avec Marie-Josée. Calice, il t'a corrigé ça d'aplomb. Il t'a amené la bonne femme dans ta soupe. Marie-Josée, c'était loin d'être ta bonne femme. Là. Okay. Tout a été corrigé, tu sais, par de l'intelligence. C'est abstrait de dire, hey, ça c'est ta femme. C'est abstrait en Christ. Mais c'est très concret dans les conséquences. Mais on est bâti avec des lignes de tir qui sont très abstraites, mais qui deviennent excessivement concrètes quand on rentre dans une action avec les gens ou l'événement, ou n'importe quoi. Moi, là, si j'amène ça à votre niveau, puis que les gens qui développent une certitude là-dedans, hey, t'as une crise de party, je peux vous dire ça, là. Tout un party. Claire, elle voit le party, là, puis je te dis que c'est pas elle qui va faire un PhD comme doctorat, mais elle a une crise de pif pour les affaires qui marchent, je peux te le dire, moi. C'est ça. C'est réellement juste la lecture de l'ego qui est colorée, qui empêche ouais, réellement ça, le bien-être d'apparaître ça, dans ta vie. C'est parce que ça engendre le doute. Ouais. L'ego, il ne peut pas faire autrement que se tromper. Il est dans l'impression. Tu sais, l'impression de vivre à deux, par amour, c'est une impression qui est fausse. Tu vis à deux par besoin, tu ne vis pas à deux par impression. L'amour, tu sais, je suis sûr que tu n'aimes pas ta femme de la même façon que tu l'aimais au début, et puis qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus utile dans ta vie. Ça n'empêche pas le lien de confiance que vous avez, mais c'est l'utilité qui a pris le dessus. Là. Parce que c'est plus mental, c'est plus « j'ai besoin de toi ». Mais tu sais, c'est plus « j'ai besoin de toi », si t'es pas là, je meurs. Là. Non, non, c'est pas ça. Là. C'est j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. T'sais? Comme moi, j'ai besoin des chats pour remplacer le couple. Comprends-tu? Mm-hmm. Mais avoir besoin d'une femme s'occuper de mes chats, non, il n'y a pas grand monde qui prendrait le contrat. C'est clair. Comment tu définis le rythme, mettons, de passer dans la. Lorsque tu parlais de la certitude de conduire, ouais. Puis la certitude que tu es capable de rendre à bon port un projet. C'est quoi les étapes que tu... Il y a une partie que ton ego peut avoir accès à ses talents. Moi, j'ai vraiment un talent de pilote. Là. Je suis vraiment un bon conducteur. Mais j'avais ça jeune, puis ça continue. De toute façon, un gars qui parle bien, en général, c'est un bon pilote. Les gens qui ont un talent, ils peuvent être sûrs d'eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas être sûrs des événements parce que l'événement, ça sous-tend une participation de d'autres êtres qui peuvent le douter, l'événement. Ils sont dans l'événement avec du doute. Toi, tu es dans une compagnie, tu peux avoir une certitude dans la compagnie, tu joues un rôle important ou un rôle qui est professionnel, qui est ci, puis ça. Mais ils peuvent rentrer quelqu'un dans le personnel qui, lui, est bourré de doute puis qui est là juste pour faire une paye puis s'en aller le plus vite possible. Puis lui, il va nuancer l'événement. Et puis en nuançant l'événement, ben, il peut créer des problèmes dans le rouage d'entraînement qui va faire que même si toi, tu es sûr de tel résultat, la conséquence pour la compagnie peut être déviée à cause qu'il y a deux, trois personnes qui doutent ou qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Tu me suis jusque-là? Ouais. Moi, la température, je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais je perds le contrôle sur ma conduite. Fait que dans la conduite, en cas de pluie, comme quand tu faisais de la brume l'autre fois, ben, je suis descendu chez nous, ça a pris une demi-heure de plus. À un moment donné, bon, il y a des bateaux. Moi, j'ai un pont, un pont-levis là, qui passe, là, puis les bateaux passent en dessous. On est bloqué 25 minutes là, quand on est là. Bon, fait que quand je descends dimanche, moi, là, ici, à 2 heures. Si j'arrive à une minute en retard, c'est parce que j'ai pogné un pont, j'ai pogné un pont-levis, là, j'ai pogné un bateau. À cette heure, j'essaie de partir un petit 15 minutes avant pour au moins absorber le temps possible d'un pont-levis. Tu ne peux pas savoir quand le bateau va passer, là. Ou tu vas sur le contact, il y a un pont. Puis là, ils te disent non. Alors, si tu as la certitude de ta source, bien là, tu es correct. Tu as un petit 15 minutes de plus pour te rendre. Tu comprends-tu? Mais la source peut te donner une information qui donne une assurance ou une certitude sur l'événement. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir une certitude sur l'événement. Tu sais, je pars, il y a de la brume, je dis, moi, tu me rends, tu vas avoir 15 minutes de plus. Ils peuvent me le dire aussi clair que ça. Fait que là, à ce moment-là, je roule moins vite, puis peut-être ça, final. Fait que j'ai le contrôle que l'ego me donne, là, qui est mon talent naturel. Et puis j'ai ma source qui peut me donner un petit peu plus d'éclairage sur l'événement. Ben, ils peuvent me dire aussi, tu ne pourras pas le faire parce que, à cause de, puis tu le quittes, là, tu sais, mais je vais avoir la même certitude. Si je suis neutre devant l'aspect négatif de l'événement, comme j'ai dit à Céline, j'ai dit, je peux signer un contrat de 30 000 avec quelqu'un parce que je peux savoir que les forces vont travailler le mental de l'autre pour que ça descende. Tu sais? Puis effectivement, ça s'est produit. Mais au moment où tu le fais, Christ, tu dis égoïquement, « Fuck, je me suis mis dans quel petit bateau? » Puis les forces, eux autres, ils t'arrangent ça. Puis tu sais, ils t'arrangent pour tout ça, le petit patente. Au début, ils m'ont dit, on va te faire vivre son énergie. Ah oui, pourquoi vivre son énergie? Ben, il est très, très vital, le gars. C'est un gars qui est bien dans les chiffres, qui est dans ci et ça, puis ça va te donner des idées pour améliorer ta situation. Ah ouais. Je trouve ça. Tu sais, les forces, des fois, ils t'en envoient des gars. Puis là, à un moment donné, quand je me sentais coincé, à cause de lui en principal, il m'a envoyé l'idée de la bourse, de rendre ça. Tu sais, de le faire pour moi, mais de le faire participer aux gens, puis de donner mon portefeuille, puis la technique pour que les gens puissent y goûter. Puis il dit, la vibration des gens qui vont être de plus en plus sûrs va te donner toutes les ressources qu'il faut pour être toi-même actif dedans et les entraîner dans une activité. Et effectivement, c'est ça qui s'est produit. Et je pourrais dire, c'est grâce à Benoît pour m'avoir mis dans la marbre. Parce que là, j'étais obligé de trouver une solution. Puis qu'en n'étant pas négatif vis-à-vis de lui, bien, j'ai tiré avantage de son énergie. Ça, c'est bien occulte. Mais un jour, vous allez être aussi occulte que ça, puis vous allez trouver qu'être en opposition avec quelqu'un, c'est juste une résistance qui peut vous permettre de tester une force que vous n'avez pas découvert encore en vous-même. Si elle, exemple, elle rentre dans une compagnie qu'elle n'aime pas le boss, puis qu'elle dit « il faut que je me serve de l'énergie du boss pour pouvoir raffermer mon autorité », et cristalement, sa vie va changer, ça y discerne. J'essaie de l'emmener à la compagne, il ne faut pas qu'elle chiale après le boss, il faut qu'elle s'en serve pour aller chercher un salaire. Puis que la vie sur la planète, c'est une vie mathématique. C'est combien que tu as pour faire telle chose. Il faut que tu aies une valeur dans la société. Tu n'as pas une valeur. Tu n'es pas né pour être aimé, puis les gens ne sont pas venus au monde pour t'aimer. Tu sais, les gens vont t'aimer pour la valeur que tu as, pour qu'est-ce que tu sers. Tu sers à quoi? Qu'est-ce que tu fais de la sécurité? Est-ce que la certitude te donne une sécurité? Est-ce que la sécurité, c'est... Moi, je suis sûr que je vais mourir. Oui. Sûr. Mm. Ben, je l'affronte. Okay. Ma sécurité, c'est de savoir. Je sais. Je n'ai pas peur de mourir, je suis sûr que je vais mourir. Ça fait partie des événements que je pilote. Je pilote un corps qui va mourir. Je pilote un auto qui va finir par disparaître. Okay. Parce que Christ, il va y avoir de quoi qui va casser. Puis, il n'y a pas de comportement humain qui ne s'explique pas. Mais il vous faut, à certains niveaux de compréhension, il vous faut vraiment l'intervention des forces, donc de votre source, pour vous expliquer quelque chose de votre vie. Puis si vous n'êtes pas capable de seul, vous pouvez être déclenché par d'autres. Fait que vous pouvez avoir des gens qui vous questionnent. Comme moi, il y a des fois, j'affirme des choses, je le parle, puis je dis « Oups, c'est pour moi ça. » Tu sais, il y a des choses que vous allez parler pour d'autres, puis le casque va vous faire, le chapeau va vous faire. Puis vous allez dire « Ah, non, ça c'est... » J'ai dit à lui, mais ça me fait à moi aussi. Là. Donc, je me souviens pas, j'en ai dit. Un objectif comme ça qui provient... de ton esprit, ça t'amène à vivre quoi? Un bien-être? C'est un bien-être instantané? Pas ça que je cherche, moi, dans la vie. Non. Non. Mais c'est comme une confirmation. Oui, je dors. Une confirmation de ton doute. Je dors, Claude, là. Puis je me tourne à droite, j'ai mal au corps. Je me tourne à gauche, j'ai mal au corps. Moi, j'ai toujours mal de quelque chose. J'ai un mal de finances, j'ai un mal de ci, j'ai un mal de ça. J'interviens dans la vie de beaucoup de gens et puis je suis attaqué dans mes rêves, je suis attaqué de partout. Je suis une machine de guerre, moi, là. Puis une machine de guerre, tu ne peux pas faire la guerre sans être blessé, aussi. Fait que je suis blessé de partout. Je ne peux pas travailler sur l'âme humaine puis pas être affecté personnellement. Il y a tout bon esti de limite, là. Pourquoi tu ne veux pas te mêler au monde, là? C'est parce que tu ne veux pas être agressé par les vibrations des gens. Hein? Ouais. C'est ça, principalement. Là. Ouais. Fait que tu protèges ta sécurité avec ta femme. Tu ne voudrais pas que ta femme soit atteinte par quelque chose que tu absorbes. Mm-hmm. Puis moi, j'ai commencé à y expliquer qu'elle, si elle se matche avec un gars de prison, ou si elle se matche avec un médecin, ou que, tu sais, il y a des conséquences. Quand tu dors ensemble, vous vibrez des choses en commun. Une femme qui mêlée à un médecin, ça risque d'être malade. Tu sais, c'est tout des affaires de vibrer, comment tu vibres les choses. Qui t'entoure, les blocs où tu vis, et tu vas vivre dans un bloc appartement ou dans un condo ou le kit, il y a du monde qui dorme au-dessus de toi, c'est proche en Christ, ça, là. Beaucoup de choses qui nous influencent. C'est bien abstrait, mais c'est bien concret. Puis c'est l'abstrait qui crée le concret. C'est pas le concret qui crée l'abstrait, c'est pas l'inverse. On aurait tendance à penser que si on fait tel acte, on va engendrer de l'abstrait. Ton acte a été architecturé, ces plans, dans l'abstrait, puis tu as simplement exécuté quelque chose que tu as vu dans tes rêves ou que tu as vibré. Vibrer, c'est abstrait, là. Vibrer, c'est comme même chose que se réveiller le matin puis d'avoir rêvé de quelque chose. C'est pareil, pareil, pareil. Pas de limite. Moi, pour moi, là, l'état que je vis à vous parler, là, c'est comme quand je rêve. C'est pareil, pareil. Je vis le même état que quand tu rêves. Fait que là, je suis obligé d'aller faire quelque chose de concret, balancer mes vibrations, parvenir dans mon char. Des fois, je vais écouter de la musique dans l'auto avant de partir en auto. Pas des faces, hein, pour me regrander. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient te regrander? Ouais, faire des haltères. Il y a tellement de choses qui peuvent te grandir. Pas d'allure. Mais il faut que tu observes ton mode de fonctionnement parce que c'est pas une recette pareille pour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde à la même recette. La question étant, pour se grandir, oui. ça prend un côté. Matériel. Pour se grandir, ça prend de la forme. Ça prend de la forme, OK. La matière. Alors, regarde les gens qui sont grandés. C'est des gens qui sont très matériels. Est-ce que tu peux être dans ton esprit puis être grandé aussi? Tu n'es pas dans ton esprit. C'est mal parlé. Okay. C'est dur de se gronder quand on parle mal. Okay. Parler bien, juste, et savoir que de l'esprit t'habite et non pas orbite. Quand j'entends Gilles dire les forces, on a toujours l'impression que quelque chose orbite autour de lui, OK? Bon, bien, ça, là, quand il parle comme ça, je sais qu'il est habité par l'âme et non pas par son esprit. Parce que l'âme, ça peut très bien copier. C'est très singe de l'âme. Fait qu'il peut très bien, parler de la copie d'esprit. Mais c'est pas nécessairement de l'esprit. Fait que faites attention quand vous parlez, parce que le premier facteur de ground, c'est de parler juste. Et quand vous ne parlez pas juste, vous êtes absolument influencé par l'âme, par l'astral. OK? Fait que je vous donne un avertissement dans votre parole. On dit pas, je sais pas ce que tu dis là, mais en tout cas, t'as pas ça, là. C'est de l'esprit, c'est toi. C'est pas quelque chose qui est autour de toi et tu n'es pas dans l'esprit. C'est l'esprit qui est dans toi. Okay. Au même titre qu'une entité peut être dans toi. Puis là, tu es possédé. Okay. Il y a quelque chose qui possède ou qui remplace ou qui crée un nuage. Tu sais, le soleil, ça ne s'élimine pas, mais c'est pas des nuages qui cachent le soleil, donc tu ne vois plus le soleil. Bon, ben l'astral, c'est des nuages. Puis l'objectif de l'astral, c'est de te faire perdre contact avec ton soleil. Mais il faut que tu saches que le nuage est temporaire. Que tout ce que ça demande, c'est une bonne crise, donc une bonne tempête, un éclair, si ça. Question. On n'est pas propriétaire d'une ressource. On chevauche une ressource. Mm-hmm. Moi, j'ai une parole aussi juste que je chevauche ma ressource. Mais je commence à me prendre « Wow, moi je suis moi je suis ça, et tabarnak, vous avez tout crissé votre camp. » Parce que je ne pourrais pas parler comme je parle là, c'est impossible. Mm-hmm. Si je chevauche ma ressource, je fais juste être canal, that's it, puis je travaille à ce que les gens soient canal, that's it. Pas avec ça, je ne veux pas faire de vous autres des prix Nobel, là. C'est pas ça le point. Je veux faire de vous autres des êtres. Je veux rien faire, dans le fond. T'sais. Vous allez être utile, vous êtes utile, point final. Je pourrais bien dire, j'aimerais ça que vous soyez utile, mais ça va se faire être seul. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Mais les gens, ils veulent être quelque chose. Chris, arrête de vouloir être. T'es déjà quelque chose. T'as juste à découvrir ce que t'es. C'est comme une sculpture, un dans l'arbre, tu as juste à décapiter l'arbre d'un petit coup de couteau là, un petit coup de couteau là, et là, la structure, tu as juste à toi de la rencontrer. Non, le monde, il pense qu'il va... L'arbre va naître à cause des autres. Non, si tu le découpes, c'est parce que tu vois quelque chose dedans. C'est ta lecture que tu fais de l'arbre qui fait la sculpture dans l'arbre. C'est prétentieux, un égo, c'est débile, là. T'sais, pour moi, dire ce que je dis aujourd'hui, peut-être que vous autres, c'est nouveau, mais pour moi, c'est nouveau aussi, hein, passant. c'est pas moins nouveau pour moi parce que je le parle. C'est, pour l'ego, c'est tu l'as appris d'avance puis tu viens de le débiter. C'est pas vrai, ça. Je l'apprends en même temps que vous autres. Pour ça, quand j'écoute mes CD, là, en fait, je dis mes CD parce que c'est moi qui ça paye. Mais quand j'écoute ça, je me dis, fuck, jamais ça va parler de même. C'est con, hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand j'étais en consultation, moi, je découvre quelqu'un. C'est comme une sculpture devant moi. Je découvre ce que ça fait. D'accord, c'est ça. Il y a toutes sortes de surprises dans une consultation. Il y a beaucoup de choses que... Ah, ouais, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Puis quand je le parle avec tellement de certitude que la personne dit, ah, il le savait. Hein, on ne le savait pas avant de le parler. J'avais aucune idée de ce que j'avais à dire. Ah ouais, puis ça marche. Mais oui, apparemment que quand je parle, ça marche. Oui, mais c'est pas toi qui parles, man. C'est ta source à travailler toi. Tu sais, comment tu peux dire ça à un égo? Un égo, lui, il veut que ça soit quelqu'un qui il parle à lui. Puis, tu sais, les gens sont pas capables de savoir dans un événement de développement. Plutôt que c'est un à l'autre, plutôt que un avec l'autre. Tu sais, moi, je suis avec vous autres, je suis pas... Comment je suis même pas capable de dire comment. Mais c'est de vivre le processus de créer. Ouais, c'est ça, that's it. On engendre quelque chose parce qu'on est ensemble. On ne peut pas l'engendrer si on est tout seul. Simple de même. C'est pour ça que Bernard dit qu'on n'est pas intelligent tout seul. Mais être intelligent, c'est créer. Créer, c'est pas avoir des idées, Carlis. Des idées. Je comprends qu'à parler, on peut parler plus. Mais c'est le qu'est-ce que tu fais avec ce que tu parles qui est important. C'est pas les idées qui débouchent de ça. Le Zénard, ça a été un essai dans l'expérience de l'humanité de mettre des gens à essayer d'être intelligents ensemble. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien trop d'art, beaucoup trop d'ego, y compris Bernard là-dedans. Hein. Tu sais, l'expérience de Bernard, ça dépend de tout le monde. Ouais. Les 4000 personnes qui ont bossé là ont donné une raison d'être à son enseignement. J'aurais pas été dans les salles, les questions, si les gens n'auraient pas été dans un art pour rendre grandir quelque chose qui était flyé. Câlisse, tous ces gens-là qui ont fait de quoi, là, c'est pas lui qui a le seul crédit de tout ce qui s'est passé, là. Il parlait parce qu'il y avait un terminal devant lui. C'était sûr qu'il fallait que ça soit gros parce qu'il y avait gros de personnes. Mais il avait besoin, comme moi, d'un terminal. Moi, je peux pas parler quand j'ai pas de personne devant moi. C'est impossible. Mm-hmm. Lui aussi, il avait besoin de monde. Fait que, tu sais, de là, il donnait tout le crédit. Oh, il y a une marge, là. Il était un messager, puis il a fait un message. Puis le message n'est pas plus grand que les gens qui l'absorbent. Le message n'est pas plus grand que les gens qui l'actualisent. Mm-hmm. Tu sais, ça a quoi de la valeur de tout ce que j'ai parlé? C'est vous autres qui donnez cette valeur-là à tout ce qui est parlé, Chris, pour moi. Moi, je vis ma vie pour moi. Mais je n'ai pas d'ampleur socialement, ma vie. C'est vous autres qui faites l'ampleur de ce qui est parlé, dans ce que vous êtes capable d'actualiser dans vos vies. Hey! Mais là, qu'elle vient chez eux, pour revenir à Mercedes, Mercedes, je ne l'ai pas payé cher. Il a le même prix qu'un Hyundai Elantra aussi. Câlisse, il vend des Elantra à 25 000. J'ai payé le mien à 25 000. Hein, tu n'as pas payé ton Ben 100 000, Chris. Tu l'as payé 24 000 là-dessus. Mais ça a un impact social parce que le monde donne bien d'importance à ça. Mais en Allemagne, ils font du taxi avec un Ben. C'est un petit peu moins glamour que ça. Hein? Quand est-ce que tu sers une lampe de poche? C'est noir. Quand c'est noir. Retenez-la, celle-là. C'est un bon exemple de ce que c'est de la conscience. C'est quelque chose qui éclaire dans le noir. Pour vouloir blesser, c'est pour vouloir se faire blesser. Parce que tu sais très bien que si tu blesses, si l'autre meurt pas, il va se venger. Hein? Okay. Ouais. Et c'est une peur de ne pas se faire blesser. C'est une peur de ne pas de se faire blesser. Connecter avec un rejet. Oui, mais c'est surtout la peur de se faire blesser. Le rejet, il n'y a rien. Là. Le rejet, c'est quelqu'un qui ne te contient pas. Mais se faire blesser, ça. Tu sais, quand il faut que tu subisses ta vengeance de celui qui t'a agressé, là, c'est une partie de aux vaches. Encore revenir, la peur de blesser, c'est également parce que on est contrarié par. Parce que l'autre personne nous dit, parce qu'on a peur de blesser. Parce que la personne peut être désagréable, et nous, pour ne pas augmenter la situation, on ne répond pas. Il y a une joute là, qui se passe. Mais la joute, c'est parce que tu participes. Hein? Si l'événement existe, parce que tu fais partie de l'événement. OK. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Si tu es dans l'événement, c'est parce que tu fais partie de l'événement. Toi, tu aimes beaucoup argumenter. Fait que c'est sûr que tu vas être des gens qui vont créer des conditions d'arguments. Mm. Jusqu'à temps que tu ne sois plus capable d'argumenter, tu vas avoir un ras-le-bol monumental. Mais quand tu vas avoir un réel ras-le-bol, il n'y aura plus personne pour se présenter à la confrontation, là. Là, tu ne seras plus confronté à du monde, tu vas être confronté à des événements. Les thèses vont être plus subtiles et conséquemment plus grands. C'est comme quelqu'un qui deal avec des tempêtes québécoises, puis à un moment donné, il s'amorce aux États-Unis avec un ouragan d'Oklahoma. Oups, le party n'est pas pareil. Là. C'est pas genre, on va traverser ça. Non, faut que tu te pousses. Donc, les tests, moi, ils sont de plus en plus subtils. Moi, ce que j'ai compris, c'est que je suis testé à cette heure pour m'associer. Je ne suis plus capable de faire rien de ça. Okay, j'ai besoin de médecins, j'ai besoin de gens pour m'envoyer des Q, l'affaire, parce que ma matérialité commence à être affectée. Comme je vous ai dit, ma batterie est moins forte dans l'âme de poche. Okay, je suis plus testé dans la matière, mais je ne suis pas protégé par mon environnement. Il ne me reste pas 40 ans à vivre. Là. C'est sûr. Mais tu ne t'isolais pas avant. Comment se fait-il que maintenant, on vienne plus te chercher comme tu dis, d'associer? Essaye de parler fort. Tu dis, tu as toujours été en association avec les gens. Je veux dire, Avant, je prenais toutes mes décisions en fonction de moi-même. Là, je prends de plus en plus de décisions en fonction des autres. Ce que je ne faisais pas avant. Tu sais, te dire, si tu veux monter deux activités par mois, OK, fine, je vais le faire. Jamais j'aurais fait ça avant. C'est nouveau, ça. Mais c'est le contact qui t'a donné cette idée-là. Oui, c'est le contact, mais... je ne l'avais pas, cette idée-là, avant. Ouais. Ça se présentait pas devant ma lampe de poche. Okay. Moi, j'étais associé avec Bernard de façon bien, bien psychique, puis ça s'arrêtait là. Tu peux demander à lui, j'ai jamais été mêlé à Zénard ou à quoi que ce soit. Mm-hmm. Jamais. Pourtant, Tonnerre, il a travaillé fort en estime pour me récupérer, lui. Non, tu m'as pas baqué dans ma faillite, mon kid. Tu m'as trahi aussi. Jamais tu vas m'avoir dans ta soupe. J'ai dit d'ailleurs. J'ai dit jamais. Tu vas me revoir, mettre ma survie entre tes mains. Jamais. C'est terminé. Puis même Bernard, il m'a trahi. Puis c'était clair, moi, dans ma tête, fallait que je puisse revenir à la consultation pour me libérer du groupe. Parce que je ne pouvais plus me truster, même si c'était excusé en public. Il ne faut jamais que tu me trahisses. Jamais. Comment tu fais pour recharger ta batterie? Je dors. Je dors, le silence, réussis. Quand tu réussis, tu te recharges énormément. J'ai toujours des lectures winner. J'ai toujours une lecture d'une situation comme étant un test. Je ne jouais jamais le mal, mais je jouais le test. Pour moi, le diable, c'est un test. Ça ne sera jamais supérieur à la lumière. Je vois toujours la lumière comme élément supérieur ultimement. Fait que j'ai pas. Tu sais, comment je te dirais ça? Je peux être égoïquement déçu, mais jamais psychiquement déçu. Parce que je finis tout le temps par avoir une explication qui vient des forces, donc de ma source, et conséquemment de. Comment je te dirais ça? J'ai pas d'antipathie de vivre. Je vais mourir parce que j'ai plus de ressources, mais je ne mourrai pas parce que ça ne veut pas. Je ne sais pas si ça peut se comprendre. Okay. Moi, ça veut tout le temps, mais je peux m'en aller pas avoir les ressources pour fonctionner. Tu sais, c'est comme moi, là, je fais des conférences parce qu'elle me supporte. Mais elle ne me supporte pas. Moi, je disparais, je ne change rien. Moi, je vous considère responsable de me garder ici. Égoïquement, vous êtes responsable de me garder ici. Votre volonté de vous développer me fait vouloir vous aider à vous développer. Mais moi, je suis assez développé. J'ai pas besoin de me développer. Mais je peux être un excellent outil pour que vous vous développiez. Mais si vous voulez me faire la guerre, je n'y vais pas, je peux t'amourir, ça ne me dérange pas. Vous pouvez vous rebeller tant que vous voulez, j'en ai... I don't give a shit. Tu sais, j'ai pas besoin de vous autres. Mais vous autres, je sais que vous avez besoin de moi. Là. Fait que je vous aide à vous développer. Et puis, en échange, vous me gardez en vie. C'est basic de même. C'est rien de compliqué, la vie. C'est vraiment rien de compliqué. Fait que fuck all, chercher à ce qu'ils me le disent, non, pas nécessaire. Mais vous autres, c'est pareil. Si vous réussissez à m'amener à être bien stable, bien... comme je le vis, là, comme je vis ma vie, là, puis que vous ne cherchez pas à avoir du glamour, tu sais, ouais. Qu'il y ait des trophées, puis des ci, puis des ça, puis, vous allez avoir passé à travers quelque chose. Moi, je suis un outil des forces. Puis je veux que vous soyez... je veux rien, en fond. Je suis comme les forces, je veux rien, mais je fais le job que ça doit faire pour que vous ayez une volonté d'eux. Jusqu'à temps que vous n'ayez plus de volonté d'eux. Mais en attendant, il faut que vous ayez une volonté d'eux. Ça fait partie de l'étape des tests de votre vie, tu sais. Vouloir avoir un char, vouloir ci, vouloir... Ben, en fait, c'est toutes des affaires que vous allez vouloir pour vous gronder. Pour avoir assez de noirceur pour justifier une flashlight. Fait qu'ils vont vous mettre dans le noir, jusqu'à temps que votre flashlight est clair, bien clair. Et c'est tellement simple, la vie. Comment il m'avait expliqué ça? Il m'avait expliqué que... Sacrément, je voudrais vous le dire comme il faut. Une dette, c'est un ancre. Puis la voile, c'est ton mouvement en bateau. C'est sûr que tu ne peux pas être ancré indéfiniment, mais si tu as des réparations à faire sur ton bateau, c'est bon d'avoir un ancre. Fait que tes compagnies qui vont s'ancrer dans le sens d'avoir une ancre pour le bateau, c'est parce qu'ils ont des réparations à faire, puis ils ont besoin de ce financement-là pour faire quelque chose. Pour bâtir le bateau, travailler le bateau. Puis une fois quand tu payes les dettes, c'est comme un droit de partir en bateau. Mais il faut tout le temps que tu aies un ancre, puis assez profond pour que tu puisses t'ancrer où tu veux. Mon gars, moi, j'ai appelé à Télic le crédit, il avait 14-15 ans à peu près. Aujourd'hui, la BFD, il offre 1 million, 2 millions par année de crédit. Pourquoi? Parce qu'il a appris, jeune, à travailler avec le crédit. Fait que lui, il est capable de partir en vacances 2 mois, parce qu'il y a des marges de crédit d'un million, 2 millions. Mais j'ai dit, niaise pas avec le crédit, mon pit, là. Parce que c'est quelle heure? Si tu fais le négligent là-dedans, tu vas perdre ton ancrage. Puis là, tu vas être achetable. Les gens qui investissent, là, ils checkent tes dividendes, ils checkent ton taux d'endettement, papa. C'est très, très mathématique, l'investissement dans une entreprise. Mais une personne est une entreprise. Fait qu'il faut qu'elle check ses ratios. Elle ne peut pas jouer au fou indéfiniment. Tu ne peux pas te cacher avec l'impôt à vie, ça. À un moment donné, ils vont te ramasser. Okay, c'est ça. C'est très mathématique, la vie. bien plus que vous pensez. Puis même les forces sont mathématiques. C'est désolant. Manquer tellement de spontanéité. Les forces sont mathématiques. Tu peux t'expliquer plus qu'est-ce que tu dis? Parce que les forces sont mathématiques. Qu'est-ce qu'on appelle un choc Artaud? C'est la mathématique des forces. Un choc Artaud, c'est pas tout le temps négatif, là. C'est moi, je m'intéresse à la bourse, je développe une certitude là-dedans, j'ai une conséquence positive à ça. Mm-hmm. Mais il faut avoir des conséquences négatives à chialer, ben, comme je vous expliquais tout à l'heure. Chiale, à un moment donné, ça a des aspects négatifs. Là, tu te vois une partie du corps qui est dysfonctionnelle, le kit, ça c'est ton chialage. Ça. Quand t'engraisses, il y a quelque chose que tu fais pas, ou il y a quelque chose que tu fais de trop. Moi, j'ai trop fait de consultations, mais j'ai pris du poids, c'est débile. Là, j'ai arrêté de faire trop de consultations, mais je perds du poids. Des fois, je lui dis, je peux descendre jusqu'à où? Ils disent 205. À 205, tu vas être ton poids normal. Tu n'auras jamais 180 parce que tu n'as plus besoin de peser 180. Mais à 205, tu vas être normal. Mais là, je pèse 215, fait que j'étais à 10 livres de mon poids normal. Vous pouvez tout demander à votre source qu'est-ce que vous devez être, puis qu'est-ce que vous faites pour, puis etc. OK. Ne plus prendre le chialage, c'est d'agir comment? Tu parles pas fort, hein? De ne plus prendre le chialage, c'est d'agir comment? C'est tout le temps s'aligner sur une action. Moi, j'ai rien à faire avec quelqu'un qui agit pas, là. Toi, tu prends du chiolage parce que tu vis dans le monde de l'idée. Mais moi, je vis pas dans le monde de l'idée. Je vis dans le monde de l'action. Fait que je ramène un individu qui chiale. Bon, qu'est-ce que tu fais contre ça, là? Ben, beau chialer, mais tu fais quoi, là? Toi, tu laisses flotter des idées. Pourquoi? Parce que tu es une femme d'idées. T'es pas une femme d'action. Si t'es dans l'action, Chris, tu vas commencer à brasser du stock. Il laisse des idées, tabarnak. Il pense que moi, je laisse du monde des idées? Du monde qui me côtoie, là, hey, wow. La certitude, c'est du cash. N'oubliez pas ça. Vous venez ici, puis vous faites énormément de cash quand vous me faites parler, puis ça vous développe. Mais si vous n'avez pas compris ça, puis il y a quelque chose de vous autres qui est rebelle, là, qui luciférien, hey, j'en ai-tu rien à cirer? Moi, j'ai déjà ma lumière, là. Si vous autres, vous n'avez pas à développer, continuez de vous rebeller, vous n'en avez rien à faire avec ça. Donc, c'était justement comment qu'on fait pour être sûr tout le temps? Il n'y a pas de recette. Il faut que tu agisses. Quand je t'ai dit, il faut que tu arrêtes de te battre contre l'autorité, oui. Tabarnak, c'est 80% de ta vie, c'est là. Okay. Je suis sûr de ça. Okay. Il te reste juste à travailler dessus. Si tu ne travailles pas dessus, ce n'est pas de mes affaires, moi, là. Okay. Je sais conduire, mais je ne suis pas sûr de la destination. J'ai pas à être sûr à ta place, c'est pas possible. Donc, c'est par l'expérience qu'on devient. Ah, c'est sûr. Tu pourras jamais être ce que tu es si tu fais pas le travail d'être. Ouais. Tu seras jamais une personne qui va être par le biais d'un autre. Même si je te dis à la bourse, là, c'est sûr qu'à telle date, ça va faire 100 pipes. Toi, tant que tu l'auras pas fait, tu le sauras pas. Même si je te le dis, ça ne change absolument rien. Mais je peux te dire, cette voie-là, si tu l'explores, puis que tu fais ça pendant X temps, tu vas être sûr. Parce que tu vas l'avoir vécu. Ouais. Mais je ne peux pas le vivre à ta place. Ça, c'est sûr. Tu reviens tout le temps à conduire, mais à ne pas être sûr de la destination, parce que dans le travail pour te rendre à terme, à la destination, c'est un travail qui demande d'être sûr de ce que tu fais par toi-même, pour toi-même, et que les forces vont peut-être t'éclairer, mais ils ne pourront pas le faire à ta place non plus. C'est pareil, les forces. Les forces, eux autres, c'est des éclaireurs. Mais ce n'est pas vraiment des intervenants, à part de t'envoyer la vibration. Mais ils t'envoient la vibration. La vibration, c'est l'événement. Ouais. Mais si tu ne réponds pas à la vibration, l'événement va dévier, va être complètement altéré, là, c'est sûr. Okay. Je regardais Madeleine, elle dit, moi, j'étais sûr que tu étais me donner le contact. Tu as donné le contact. Il faut que le contact te choisisse. C'est pas toi et ton ego qui va choisir le contact. C'est le contact qui va voir que tu es prête à être sur le contact. En d'autres termes, c'est le contact qui va savoir que tu peux le recevoir. Travaille à ce que tu sois un élément... De choix. Ouais, un élément qui est contactable, on dit ça de même. Là, tu sais. Sois un élu. T'es pas élu, si, oublie ça. Ouais, mais comment que... Ben ouais, on va te le montrer, comment. Pas de trouble. Mais investis-toi pour le savoir. J'ai de la misère à comprendre ça. Parce que de quoi? J'ai de la misère à comprendre ça. Comprendre quoi? Qu'à un moment donné, on est éclairé, puis la seconde d'avant, on était dans la brume, puis deux secondes après, t'es éclairé, t'es allumé, t'es plein de vie. Non, t'es éclairé. Plein de vie, c'est agir, ça. Okay. C'est parce que t'es dans l'action que t'es plein de vie, parce que tu reçois la vibration. Mais être éclairé, t'es pas plein de vie, là. OK. Puis après ça, vient... Mais après ça, vient l'action. Si tu réponds pas à l'action, t'es éclairé, point. Mais tu sais, moi, je suis une lampe de poche dans les mains, j'ai la responsabilité de marcher vers ce que je regarde ou que j'éclaire. Okay. Que je fasse juste éclairer, ça change pas grand-chose, non? Daniel, quelqu'un qui chiasse parce qu'il est éclairé, mais il passe pas à l'action? Non, c'est qu'il est toujours dans une mesure par rapport à d'autres. Il peut être dans une action, mais il n'est pas satisfait de son action parce qu'il est toujours dans une mesure. Là. Si moi, je me mesure à un joueur de football ou un champion de la NBA ou un hockeyeur, un gars qui fait du hockey, je suis toujours loser, moi, là. Parce que là, ce n'est pas ma vibration, moi, d'être là-dedans. Là. Ben, tu sais, moi, je te dirais ça. Organise tout pour savoir ce que tu sais faire, puis fais le bien, c'est tout. Tu te sais bien, là, bon, t'es né pour ça, là. Parfait. Il faut que tu pousses là-dedans, tu développes là-dedans, que quand tu fais du reload, que tu sois sérieuse dans ton approche. Tu sais, que tu aies une approche qui est sérieuse, Chris, que je peux pas dire plus que ça. Ton calibre de tir, il faut que ça te rapproche du professionnel. Ben là, si t'arrives avec des gars comme un tireur que j'ai rencontré après-midi, il ne faut pas que ça t'impressionne. Tu commences à te comparer, Chris, tu vas perdre toute ta lumière, tout ton impact. C'est drôle parce que ce qui est dur, c'est comparer. Alors, je devrais aller pour comparer, pour être bien. Ben oui, je serais bien avec n'importe qui parce que tu ne compares pas. Ben, tu te ferais des amis si tu ne compares pas. Tu ne seras pas en compétition avec personne. Car, c'est au bout. Tu serais smart dans ce que tu sais. Mais tu ne ferais pas la smart dans ce que tu ne sais pas. Tu comprends ça? C'est ça qui est dur pour toi, c'est que tu veux être smart partout. Jamais moi, qui sais tout, veux tout savoir. T'as un fardeau de tout savoir. Fardeau, t'es ostiné, les gens te contestent. On est dans un univers luciférien, donc on est dans un univers où les gens se rebellent tout le temps. Chris, j'étais dans conscience avec Bernard, tabarnak, puis Bernard, quand il voulait que le monde s'use les dents un peu, on va voir Ménard. Ça, on va voir Ménard, ça voulait dire, si tu veux te battre, Calis, c'est mon bodyguard, là. Vas-y, va te battre avec lui, si t'as encore de l'énergie, on se pognera ensemble. Il y a une responsabilité à tout savoir. Il y a une responsabilité à être smart. Tu es confronté quand tu es smart. Tu peux pas jouer le plus vulnérable quand tu es smart. Tu es vraiment smart. C'est incroyable. Non. Une certitude, ça n'avait pas, vous avez pas d'idée à quel point ça a de la valeur. C'est très concret, une certitude. Tu sais... Question. Moi, je suis un gars qui lit dans les événements. Hein. C'est pas tellement dans l'individu. Donc, la personne qui rentrerait dans ma soupe, ça serait un événement qui se passerait dans la journée qui ferait que ce n'est pas l'individu. Je ne sais pas si tu comprends. Tu donnes une qualité à un événement ou... Pas une qualité, une réalité. Moi, j'ai tout le temps dit, quand j'étais astrologue, ça se passe comme ça commence. Je faisais les cartes du ciel des compagnies, je faisais les cartes du ciel de, même de l'achat d'une moto. À un moment donné, j'avais acheté une moto, puis il y avait une dissonance dedans majeure. Hey, j'ai scrappé la machine. Moi, je ne suis pas mort. Je voyais que je ne pourrais pas mourir sur cette machine-là. Mais il y avait une dissonance qui a fait que j'ai perdu la machine. Mais comment tu peux donner une réalité? C'est comme une lecture qui... Tout se passe, la destinée des choses, comme ça commence. Ça en dit beaucoup, ça. Quand tu rentres en contact avec un événement, toutes les conséquences de l'événement sont déjà marquées. Mais tu sais, tu rentres en couple avec elle. Ça a été dicté par Bernard. Donc, ça a été sous la tutelle de la lumière. Donc, votre relation ne peut pas faire autrement que d'être récupérable en tout temps. C'est comme je te dirais, à cause que ça a commencé comme ça, vous n'êtes pas divorçable. C'est comment dire, vous dites? Tandis qu'avec Marie-Josée, je ne connais pas le début, mais c'était clair que c'était divorçable, ça. Ça ne matchait pas avec son plan de vie. Mais ça matchait avec son insécurité de l'époque. Qu'elle a cherché ton insécurité. Quand tu es avec Hélène, on ne te sent pas insécure, pantoute, pantoute, pantoute. On te sent comme un gars bien à côté. Mais ça a été parti avec la lumière. Et donc, c'est comme protégé par la lumière, dans un sens. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Même elle avec Francis. C'est ça, Francis? Oui. Ça a été comme un bon start. Ben non, il y a alors, moi, j'étais en conférence. Il y avait une conférence. Il y avait laisse-moi finir. Tu vas tout gâcher, ça. Il a donné sa bénédiction à ce couple-là. Mm-hmm. Mais ce couple-là continue aussi. Il n'est pas physiquement ensemble, il est psychiquement ensemble. Le travail de la lumière, c'est d'assurer que le psychique ait une constante. Ils ont la constante de leur psychique. Mm-hmm. Ce gars-là, il n'est pas capable de se passer d'elle. Il faut qu'il trouve un équivalent. Il n'y en a pas, si tu oublies ça. Là. Puis elle a continué à se développer. Chris, il est fait à l'os, le gars, là. Quand je dis qu'il est fait à l'os, c'est qu'il ne pourra jamais, au niveau de l'âme, trouver un substitut à sa relation au niveau psychique. Mm-hmm. Fait que dans un sens, il est pris avec. Fait qu'il faut que tu découvres l'origine de l'événement. Ah, c'est... Toute la game est là, là. Toute la game est là. Mm-hmm. Toute la game est là. Parce que si c'est basé sur des désirs astraux... Ça peut se faire clencher, ça. Oui. Mais c'est Bernard qui a cassé mon autre couple. Quel autre couple? Moi, j'étais avec un gars depuis 7 ans. Il y avait une conférence, il y avait à peu près 300 personnes. Bernard est arrivé devant les 300 personnes. Il a dit au gars, tu l'aimes-tu, elle? Puis Claude a dit, je suis pas sûr. Non, c'est fatal. Ça. C'était fini. Le lendemain, j'étais avec Francis. C'est ça. En 24 heures. Ben oui. Parce que Bernard avait déjà établi le choix. Là. Tu sais, le choix, il n'a pas, là, mais quand même. Mais il a dit, tu l'aimes-tu, elle? Puis là, je ne suis pas sûre. Hey, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, je la regardais en me disant, voyons. Quand je te dis, le doute détruit la certitude. Ouais. C'est ça. Tu ne dis pas ça à Bernard, qui est un amplificateur de premier niveau. Là. Tu sais, Chris, c'est comme... Tu sais, t'as une graphique sur ton disque, tu connais ça, c'est un système de son de 2000 watts, là, tabarnak, tu vas l'entendre, la scratch. Il y avait 300 personnes qui écoutaient. Ouais, c'était à l'époque des grosses salles. C'est pour ça que trouver l'origine d'un événement, c'est de décoder ce qui se passe présentement. Pas compliqué. C'est comme faire la carte du ciel d'un événement. Hein. Okay. Toi, t'as l'avantage de connaître l'astrologie, là. Mm-hmm. Hey, tu fais la carte du ciel d'un événement. Ouais, t'as de l'info là-dedans, mon homme, t'as pas d'idée. T'sais, je faisais la carte du ciel de mes bicycles à gaz, moi, là, pour me planter avec les machines. Donc, toutes mes motos, moi, j'ai toutes fait le carte du ciel, toute la gang, à l'achat. Elle arrangeait tout le temps pour me tuer sur la machine. Et je ne me suis jamais tué sur une machine non plus. C'est la date de la signature, ou quoi? Ben là, si vous êtes sur le contact, c'est encore mieux. On n'a plus besoin de faire des études intellectuelles. Parce que quand t'en parles comme ça, c'est que tu captes une certaine une vibration, vibration par puis, c'est ça. Ça. Ben c'est parce que, comme je vous ai dit, l'événement est engendré par une vibration. Ouais. Fait que si tu parles, tu peux vibrer l'événement avant que l'événement se produise. Mm-hmm. Là, tu vas me dire, tu choisis-tu de vivre ou pas vivre l'événement? Mon ego a l'impression de choisir, mais c'est déjà dicté que je vais vivre l'événement ou pas. Comme, tu sais, si je demande, tu vas-tu être chez vous à soir? Il dit, oui, c'est sûr. Bon, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais s'il m'aurait dit, c'est pas sûr à soir. Mm. Au tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Là? Je manque-tu de gaz en tank? C'est pas tout le temps évident, là. Tu sais, ce que l'ego veut versus la vibration. Là. Bien, moi, j'aime ça parler. Des fois, je suis dans le char, puis je parle quelque chose que j'ai à vivre, et puis je m'assure que dans ce que je vibre, je suis protégé dans un sens, ou que c'est viable, tu sais.